Yo. Le spleen. Riyad. Le soleil, je voudrais le transat pour trouver le sommeil. Je voudrais de l'euro, je voudrais de l'oseille. Je voudrais un jus de pomme, ananas ou groseille. On se baigne, on met les pieds dans l'eau. Une bonne chicha sur le pédalo. T'es au taf, et t'en as marre de vivre. Pendant qu'on se tape des barres de rire. Je remercie ceux qui nous félicitent. Que tous les jaloux attrapent l'appendicite. On se barre loin d'ici, où on mange pas le porc. Les tampons de la paf ont inondé le passeport. Hello, n'est-ce pas Algérie, Tunisie, Maroc. Dans les rues du bled, on roule, on barode. Peu importe, hiver ou été. Posé sur la table, j'ai mon verre de thé. On est en équipe avec Riyad. Vas-y, passe nous voir, on fera des grillades. Je suis loin, je ne veux plus revenir. Mais mon compte en banque, que va-t-il devenir? Ce soir, on s'évade pour oublier. Demande à Tariq, on va t'oublier. Monte le son, oui, l'ambiance est mortelle. On arrive sur la piste et on fout le bordel. Yeah.